La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1961, l'arrestation de Vie et Destin, le chef-d'œuvre de Vassili Grossman. 15 février 1961 à Moscou, cinq hommes du KGB, la police politique de l'URSS, débarquent au domicile de l'écrivain Vassili Grossman, avec un ordre d'arrestation. Pour arrêter qui ? Grossman, non. Nous ne sommes plus dans les années 30, à l'époque des grandes purges staliniennes, où un écrivain ou n'importe qui pouvait au saut du lit être arrêté et sans savoir pourquoi, être fusillé ou relégué pour 10 ans au goulag. Aujourd'hui, ce n'est pas Grossman que le KGB vient arrêter, mais son roman « Vie et destin ». Ce manuscrit, décrété « sale diffamation du système social et étatique soviétique », sera cadenassé à la sinistre Loubianka, la prison du KGB. Si son auteur, Vassili Grossman, est libre, il ne survivra que comme un père dont on a enlevé l'enfant. Mais qu'est-ce que ce livre pouvait bien renfermer ? Quelle formule maléfique, quel terrible secret d'État pour qu'il menace dans ses fondements la puissante URSS ? Il faudra attendre 1988 pour que Vie et Destin puisse enfin être publié en Russie, juste avant la chute du régime soviétique. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Luba Jorgensen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivaine et traductrice, professeure de littérature russe à Sorbonne Université. Vous connaissez bien l'œuvre de Grossman, dont vous avez traduit plusieurs ouvrages. Vous connaissez bien la littérature russe, puisque vous l'enseignez, et vous avez connu aussi vous-même l'Union soviétique, un pays que vous avez quitté quand vous étiez adolescente. Quelle place ce livre, Vie et Destin, occupe-t-il dans votre panthéon littéraire ? Ce livre, je l'ai découvert déjà en France. Et je me souviens surtout du choc qu'a produit d'apprendre que ce manuscrit n'a pas été perdu. Oui, il a été publié en 1980, en russe, puis presque immédiatement en français. Et il a déclenché alors de très grands débats sur la nature du régime soviétique. Pour moi, ce texte fait partie de mon parcours. De littéraire, j'ai ensuite traduit pour une juste cause et en m'interrogeant sur la différence justement entre ces deux volets qui devaient a priori former un seul livre. Oui, pour une juste cause avait été publié en 1955, qui était la première partie. C'est la première partie de Vie et Destin, mais qui avait été écrite au lendemain de la guerre. Et dans laquelle Grossman, qui, il faut le rappeler peut-être, était un écrivain tout à fait intégré à l'establishment, qui devait tout au nouveau régime en tant qu'écrivain, qui avait été adoubé par Gorky, et qui avait intériorisé un certain nombre de procédés du réalisme socialiste. C'est après la mort de Staline, en fait, en 1953, que son style, enfin, pas seulement son style, mais sa pensée va évoluer. Sa pensée et aussi son écriture, même si globalement il reste dans le sillage du réalisme, hein, il n'est pas toujours facile de savoir où s'arrête le réalisme socialiste, où commence le réalisme tout court et inversement. Mais en tout cas, il quitte le terrain idéologique du réalisme socialiste pour apporter des vérités qui sont absolument inaudibles à l'époque. Et ce changement couve en réalité depuis longtemps, ce changement qui s'accompagne d'une prise de conscience de sa judéité, parce qu'il vient d'une famille assimilée, laïque. Oui, il est né en 1905, on peut le rappeler, dans une famille, donc vous l'avez dit, d'origine juive assimilée, en Ukraine, À Berdichev, qui était une ville avec une très forte population juive, qui va être totalement décimée, détruite même entièrement. pendant l'occupation nazie. Évidemment, la Shoah contribue à faire prendre conscience à Grossman de cette part de son identité, mais en réalité, l'antisémitisme qui n'est pas encore un antisémitisme d'État... En Union soviétique. En Union soviétique, comme il le sera après la guerre, mais qui se manifeste déjà à travers un certain nombre d'événements et de discours, avec une nouvelle visée impériale que Staline choisit à partir des années 30. Donc cette prise de conscience du fait que l'État soviétique qui a misé sur les Juifs au lendemain de la Révolution les abandonne désormais, elle est en cours pendant les années 30, et ça va se concrétiser effectivement dans l'œuvre de Grossman. C'est quelque chose qui va s'élaborer et se concrétiser dans Vie et Destin. Donc Vie et Destin, un livre qu'il commence en 1955 et qu'il terminera en 1959 et qui va donc être arrêté, comme on dit, un livre est arrêté en 1961. Luba Jorgensen, je propose que nous retrouvions dans 30 minutes environ. Tout de suite, 1961, l'arrestation de Vie et Destin, le chef-d'œuvre de Vassili Grossman, de Brigitte Stora, réalisation Pascal Deux. Ce sont de mauvaises personnes. Des voleurs ? Des voyous ? Non, des gens qui viennent arrêter les autres. Colonel Prokopenko du KGB. Quel rapport avez-vous avec Vassili Grossman ? C'est mon beau-père. Où est-il ? Dans son bureau. Que voulez-vous ? Vassili Grossman, voici le mandat. Nous avons reçu l'ordre d'extraire votre roman « Vie et destin ». Extraire mon roman ? Vous avez bien écrit un roman ? Oui. Allez-y, ramassez tout, y compris les brouillons, les notes, tout. Non. Et fourrez tout ça dans les sacs en toile. Non, pas celui-là. Et fouillez les poubelles aussi. Je vous en prie. Vous prenez aussi les rubans encreurs ? Le papier carbone ? Vous n'allez pas les brûler ? Qu'est-ce qu'il a ? Il fait un malaise ? Vassia ! Est-ce qu'il est cardiaque ? Donnez-lui un médicament, vite. Natalia, passez-moi ces gouttes. Vite. Vassili. Voilà, buvez ça. Vous ne pouvez pas parler ? Dites quelque chose, Vassili. Je vous en prie, ne pleurez pas. C'est bon, il revient à lui. Vassili Grossman. Y a-t-il d'autres exemplaires ? Oui. Il y en a un chez la Dactylo. Un deuxième chez mon cousin germain, Victor Davidovitch Herensis. Et le troisième est à la rédaction de Novimir. Celui que j'ai donné à la revue Znamia doit déjà être en votre possession, j'imagine. Votre beau-père va nous accompagner pour récupérer tous les manuscrits, puis nous le ramènerons chez vous. Vous ne devez en parler à personne. Il en va de votre propre sécurité. Voulez-vous bien signer ici ? Qu'est-ce que c'est ? Une déclaration qui vous engage à ne pas bavarder. Non, plus jamais. Je ne signerai plus jamais rien. Emmenez-moi si vous voulez. Ma vie n'a plus d'importance. Vassili, ne dites pas ça. Et mettez cette écharpe, il gèle dehors. N'attrapez pas froid. Mon sort ne m'importe plus. C'est comme s'il m'avait tué. 15 février 1961 à Moscou, rue Begovaya. Il est midi quand des hommes du KGB font irruption dans l'appartement communautaire où vivent l'écrivain Vassili Grossman, son épouse Olga Mikhailovna, Fedia, le fils d'Olga, et sa femme Irina. 8 ans après la mort de Staline, ce n'est pas l'écrivain qui sera enfermé à la Loubianka, la terrible prison du KGB, mais son manuscrit « Vie et destin ». Depuis ce jour, le temps s'est arrêté ou accéléré, je ne sais plus. Car je vieillis vite désormais. Mes cheveux ont blanchi. Des douleurs nouvelles sont apparues. Le téléphone ne sonne plus. Certains proches se détournent, ne me voient pas, ou font un signe de loin. Mon ami Sémion m'avait dit que mon livre n'avait aucune chance d'être publié. Moi, j'imaginais qu'il serait discuté, censuré, mais arrêté, comme un criminel. Les nazis brûlaient les livres. Le mien sera-t-il envoyé dans un camp en Sibérie? Et moi, je tremble. J'ai froid pour lui. Et tellement de chagrin. Depuis les années 30, tout au long de la terreur stalinienne, la crainte d'une arrestation arbitraire n'a jamais quitté Vassili Grossman, dont bien des proches ont disparu dans les purges. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, l'écrivain est devenu célèbre en Russie. À l'époque, ses articles sur la bataille de Stalingrad lui ont valu reconnaissance et une certaine intouchabilité. À partir du mois d'août 1941 et pendant 3 ans, l'écrivain vit sur le front comme journaliste de guerre pour l'Étoile Rouge. Sous sa plume, Stalingrad devient vibrante, à l'image des soldats de l'armée rouge qui combattent l'armée hitlérienne. Sacha s'est donné la mort ce matin. Sacha ? C'est lui qui a eu les 2 jambes arrachées ? Oui. Il s'est battu jusqu'au bout. Mais il ne voulait pas vivre invalide. Pour une fois, il aura choisi ses combats et sa mort. Nous allons gagner cette guerre. Je le sais. Et nous rendrons justice à tous les Sacha. La justice, ce serait la disparition du tyran Staline. Sacha a passé 5 ans dans un camp en Sibérie, comme moi. Staline nous a libérés le temps de la guerre. Finalement, on nous a trouvés assez patriotes pour défendre le pays du socialisme. Quand la guerre sera finie, il n'y aura plus de place pour toute cette folie. Cette victoire, ce sera la nôtre. Tu as remarqué, ici, personne ne parle de Staline. On dirait que l'esprit de la révolution est en train de se réveiller, ici, sous les bombes. Un jour, liberté et Russie ne feront qu'une. Oh, Vassili, l'esprit de la révolution est fini depuis longtemps. Il ne reste qu'un monstre aux yeux clairs qui dévore ses enfants. Tu étais mathématicien, mais tu parles comme un poète. Un poète désespéré. D'où je viens, il n'y a plus de place pour l'illusion. Après la guerre, si je m'en sors, Staline nous y renverra. Il n'aura plus besoin de nous. Là-bas, c'est pire qu'ici. Là-bas, les hommes meurent pour rien. Ils sont nombreux. Des milliers. Affamés, battus à mort, fusillés. Là où j'étais, on déposait chaque jour leur corps dans une grande fosse en pierre. Des cadavres restaient congelés. C'est vrai que l'on fait travailler les prisonniers jusqu'à moins 50 degrés? Non. À moins 50, c'est la limite. On a le droit de rester dans les baraquements. Mais à peine au-dessus, c'est l'enfer. Beaucoup ne tiennent pas. Comment rester un homme dans ces conditions? Les sentiments comme l'amour, l'amitié, la charité finissent par nous quitter. Il ne nous reste que la force de survivre, de manger, scier du bois, pousser les brouettes. Et tu n'as pas peur de me raconter tout ça, à moi? Non. En toi, j'ai confiance. Dans toutes les familles, il y a un disparu, un déporté. Dans la tienne aussi, non? Mon oncle a été fusillé. Des amis aussi. Ma cousine Nadiejda est quelque part en Sibérie. J'ai honte souvent de n'avoir rien fait. Honte? Tu n'avais pas le choix. Chez nous, le courage est un suicide. On m'a dit que tu as fait libérer ton épouse Olga et que tu as adopté ses enfants. Je savais ce qui se passait dans les camps d'orphelins d'ennemis du peuple. C'est vrai, j'ai sauvé Olga, Fedia et Misha. Un geste, oui. Mais pour combien d'autres abandons ? Vassili Grossman, tu es un grand écrivain russe. Je sais qu'un jour, sous ta plume, tu nous rendras justice. Ses carnets et ses notes, ses échanges interdits, ses réflexions plus intimes, tout ce qu'il n'a pas osé publier dans ses articles, Grossman les conserve précieusement en vue plus tard d'un livre. En juillet 1944, il entre avec l'armée rouge à Majdanek et Treblinka à peine libérés. Il est ainsi un des tout premiers à décrire les camps d'extermination nazis. Son récit, « L'enfer de Treblinka », rassemblant des témoignages recueillis sur place, servira lors du procès de Nuremberg en 1945. Puis il se rend en Ukraine, à Berdichev, sa ville natale, où il apprend que sa mère a été assassinée avec les 35 000 autres juifs de la ville. Dans un article qui sera refusé, il écrit « Il n'y a plus de juifs en Ukraine. Nulle part. Tout est silence. Tout est paisible. Tout un peuple a été sauvagement massacré. Est-ce que l'on peut mettre des mots sur l'horreur que j'ai vue? Est-ce qu'on en a le droit? Je sais aussi que le silence n'est pas un choix. Hélas, la victoire sur le nazisme, Staline en a fait sa victoire personnelle. Même ça, il a réussi à nous le voler. Le culte de sa personnalité est de plus en plus grotesque. On dirait que finalement, c'est le nationalisme chauvin qui a triomphé. La guerre est terminée depuis 3 ans, et la tyrannie bat son plein. Je ne crois pas qu'on puisse rendre justice avec des mots, mais je me suis promis de témoigner, d'écrire l'histoire de ces millions de victimes anonymes morts dans leur camp et dans les nôtres. Mon livre, je l'appellerai « Vie et destin ». J'ai mis mon ami Semyon Lipkin dans la confidence. Il sait que j'ai commencé à écrire tout ce que j'ai trop longtemps dû taire. Hier, je lui ai remis 2 de mes chapitres. J'attends son avis d'écrivain, avec inquiétude et impatience. Ce cube en bois sur ton bureau, c'est un objet de ton enfance ? Non. Je l'ai ramassé par terre à Treblinka. Mais c'est un jouet. Oui. Il devait appartenir à un enfant. Regarde, il y a des dessins sur les côtés, on les distingue à peine. Presque tout est effacé. Tu crois que ce cube, c'était celui du petit David dont tu parles dans ton livre ? Oh, Semyon, tu as terminé le chapitre que je t'ai donné à lire ? Oui, Vassia. Ce passage sublime m'a empêché de dormir. Ce petit David et cette femme qui meurent ensemble dans la chambre à gaz. Sofia Osipovna Levington. Sofia, oui. Qu'as-tu, Vassia? Tu pleures? Je viens de terminer la lettre que ma mère ne m'a jamais écrite. Ça paraît idiot, je sais, mais en la lisant juste avant que tu viennes, j'ai eu l'impression de la recevoir. Tu me la lirais? J'aimais tellement ta mère. Vassili. Les Allemands sont entrés dans la ville ce matin. On dit que les enfants sont notre avenir. Mais que peut-on dire de ces enfants-là? Ils ne deviendront pas musiciens, cordonniers, tailleurs. Hier soir, j'ai vu très clairement comment ce monde, bruyant de grands-pères barbus et anxieux, de grands-mères grincheuses, de proverbes, de Shabbat, disparaîtra à jamais sous la terre. En ces jours terribles, mon cœur s'est empli d'une tendresse maternelle envers le peuple juif. Je ne me connaissais pas cet amour auparavant. Il me rappelle l'amour que j'ai pour toi, mon fils bien-aimé. Vie, vie et vie, toujours. Ma mère serait restée en vie si ma femme avait accepté qu'elle nous rejoigne avant le début de la guerre. Chez toi ? À Moscou ? Cette personne dans l'appartement communautaire, ne sois pas injuste, Vassili. Olga ne pouvait pas imaginer... Tu as sans doute raison. C'est peut-être moi qui ai abandonné ma mère, comme nous avions abandonné depuis longtemps ce monde bruyant, coloré, cette langue yiddish. Tu te souviens? On l'appelait le jargon. Elle nous écorchait les oreilles. Où vais-je l'entendre aujourd'hui? Comment leur demander pardon ? La découverte des atrocités nazies fut pour Vassili Grossman un cataclysme intime. Pendant la guerre, il faisait partie du comité antifasciste juif dont le président était Solomon Mikoels. Ce comédien adulé, directeur du théâtre juif de Moscou, fit en 1943 une tournée triomphale aux États-Unis afin de lever des fonds pour l'armée rouge. Albert Einstein proposa au comité de réunir des documents sur l'extermination des juifs. C'est Vassili Grossman, avec l'écrivain Ilya Ehrenburg, qui furent chargés d'écrire le livre noir sur les crimes nazis. Mais le livre noir ne paraîtra pas. Staline juge finalement que parler du génocide des juifs relève d'un nationalisme, voire d'un favoritisme. En 1947, le livre noir est interdit, le plomb détruit chez l'imprimeur. Le déclenchement alors d'une campagne antisémite en Union soviétique résonne pour Grossman comme un écho différé de la Shoah. Cette catastrophe, encore une fois, il la vit dans sa chair. Le 2 janvier 1948, son ami Solomon Mikoels meurt écrasé, victime d'un étrange accident. Quelques mois plus tard, tous ses camarades du comité antifasciste juif sont assassinés. On ferme les théâtres et les journaux yiddish. Le mot « juif » disparaît des médias, remplacé par celui jugé infamant de « sioniste » ou de « cosmopolite ». Une autre purge qui ne dit pas son nom fait des milliers de victimes. Puis, comme une apothéose, le 13 janvier 1953, la Pravda dénonce un ultime complot, celui des blouses blanches. Miron Vovsi, le médecin personnel de Staline. Il serait un empoisonneur à la tête d'un complot sioniste visant à éliminer les dirigeants soviétiques. On dirait un mauvais scénario. Est-il possible que même là, Staline veuille rivaliser avec Hitler? À peine 10 ans plus tard. Ce soir, j'ai acheté de la vodka et j'ai bu dans la rue, comme un ivrogne. Je sortais de cette réunion à la Pravda où j'ai signé cette lettre abjecte de dénonciation des médecins. Je ne voulais pas la signer. Et puis, j'ai pensé, peut-être le sacrifice de quelques-uns épargnera les autres. La vérité, c'est que je ne sais plus si j'étais dans les sacrifiés ou les épargnés. Ce régime nous salit, nous rend complices, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en nous de cette estime, de cet amour-propre, tout ce qui, précisément, nous permet de dire non. Et puis nous avons peur, bien sûr. Tant de nos proches ont été arrêtés, déportés, assassinés. Je le sens bien. L'étau se resserre. Semyon me propose de me réfugier dans sa datcha à Ilinsk. Après tout, s'ils doivent nous arrêter, autant qu'ils fassent un peu de route. J'ai invité Anna Berzer à se joindre à nous. Anna est la seule à se battre pour chacune de mes publications. 5 mars 1953, dans la datcha de Semyon, à Ilinsk, à 800 km à l'est de Moscou. Anna. Oh, ton manteau est plein de neige, donne-le-moi. Vassia. Tu dois être épuisée après ce périple en train. Je suis contente d'être ici, les amis. Oh. Tiens, bois ça. Merci. Alors, quelle est l'ambiance à Moscou? Nous vivons comme des ermites ici. Vous ne manquez rien. Depuis 2 mois, le climat est devenu franchement irrespirable. À la rédaction, 2 journalistes ont été arrêtés. Dans les files d'attente devant les magasins, on parle que du complot des médecins. Ça change de la monotonie, au moins. C'est vrai. Il y a une sorte de folie dans l'air, un peu excitante. Ce matin, dans le train, j'entendais des conversations délirantes. Il faut, paraît-il, se méfier aussi des pharmaciens juifs. Il vendrait des médicaments qui donnent la syphilis. Ça, c'est une idée et une bonne excuse pour certains. Moi, je n'ai pas la force de plaisanter. Je crois que tout le monde va devenir fou. On dirait qu'un brouillard noir plane au-dessus de Moscou, qu'il s'infiltre dans le cœur des hommes. Je ne pense pas que les gens y croient. Mais l'autre option est si terrible. Si les médecins ne sont pas coupables, alors il n'y en a qu'un qui le soit. Et c'est Staline. Ça fait 30 ans qu'il invente des complots. Les gens sont comme des gosses. Pétrifié par la peur depuis si longtemps. Des médecins qui empoisonnent, on dirait un méchant conte du Moyen-Âge. Et accusé Miron Vossi d'être un espion allemand, ils osent. Lui, dont toute la famille a été massacrée par les nazis. Mais il a nié, tu sais, malgré les tortures. Il a dit d'accord pour espion, Anglais, sioniste, américain ou tout ce que vous voulez, mais pas allemand. Chut. Soyons plus discrets. Ne vous inquiétez pas. Ici, nous sommes à l'abri. C'est bien. Quelqu'un sait qu'on est là? Ce n'est que le vent. À propos de rumeurs, on parle de déportation collective des Juifs en Sibérie. Hein? Vous y croyez, vous? Mais non, j'y crois pas. On dit que des trains sont prévus. Des camps auraient été construits, d'autres agrandis, en Sibérie ou au Kazakhstan, je sais plus. Après Hitler, ça aurait un effet catastrophique à l'étranger. À moins que le monde s'en fiche, comme d'habitude. Staline ne s'est pas gêné avec les Tatars, les Tchétchènes, les Estoniens... Et Solomon? Solomon Mikhaïls? Ils ne peuvent plus rien contre lui. Ils l'ont déjà tué. Ne crois pas ça. Sa mémoire est traînée dans la boue. Ils ont même censuré les films où il jouait. On l'accuse de complot sioniste, de nationalisme juif. Il y a un passage si juste dans le livre que Vassia est en train d'écrire. Quand je l'ai lu, j'ai pensé à ceux qui ont tué Mikhaïls et les autres. Tu sais, Vassia, ce petit gars discipliné, comme il y en a tant dans notre bureaucratie, qui ne connaissait rien à l'art, à la culture, à la science. Mais un mot de lui décidait du sort d'un professeur d'université, d'un musicien, d'une mise en scène. Oui, ce personnage de mon roman s'appelle Getmanov. Ça fait longtemps que les Getmanov dirigent notre pays. C'est vrai. C'est du talent et du génie qu'ils se méfient. Qui sait? C'est peut-être cette méfiance qui a permis à la plus éminente médiocrité du parti de prendre le pouvoir. Ces mots sont de Trotsky et j'aimerais mieux que tu finisses pas assassiné à Mexico. Lui, au moins. Il leur a tenu tête. À force de parler des ennemis et des fantômes... Ça, ce n'est pas le vent, Semyon. Je crois qu'ils sont là. J'y vais. C'est notre voisine. La Russia, que se passe-t-il? Vous êtes tout essoufflé. Vous avez entendu? À la radio. Je n'ai pas de radio ici. C'est Staline. Quoi? Il est malade. Staline, malade? Oui, malade. Merci, la Russia. Alors ce soir, il n'y aura pas d'arrestation. Tu as raison. Cette nuit, je crois que nous pourrons dormir tranquille. Demain, on marchera jusqu'à la gare pour essayer de trouver des journaux. Les amis, si nous chantions la berceuse de Solomon Mikhaïls. Ce soir, célébrons tous la mémoire de Schloïme. Nous n'arrivions pas à le croire. Les journaux donnaient le bulletin de santé de Staline. Respiration, urine, pouls, tension artérielle. Le maître divinisé dévoilait soudain les misères de son corps sénile. Puis le lendemain, la nouvelle tournait en boucle. Le cœur de Iossif Vissarionovitch Staline, compagnon d'armes de Lénine et génial continuateur de son œuvre, guide d'une infinie sagesse du parti communiste et éducateur du peuple soviétique, a cessé de battre. Ainsi Staline est mort, sans qu'aucun plan ne l'eût prévu, sans instruction des organes directeurs, sans ordre personnel du camarade Staline. La terreur est-elle enfin finie? C'est vrai, je n'ai jamais dénoncé personne. Je ne me suis jamais détourné de celle qui avait un mari, un frère, un fils déporté. Pourtant, sur le rouleau de ma vie, il y a toutes ces lettres que je n'ai pas envoyées. Ces appels téléphoniques que je me suis épargné. Les visites que j'aurais dû faire. Beaucoup de choses, trop peut-être, ne figurent pas sur cette liste de ma vie. Il est temps de se débarrasser de l'esclave qui est en nous, écrivait Tchekhov. Pour un écrivain, ça veut dire témoigner, transmettre. transmettre. Écrire. Le 5 mars 1953, Staline meurt officiellement. L'épisode du complot des blouses blanches est l'acte final de sa paranoïa. Méfiant envers toute aide médicale, il est la dernière victime de son ultime complot. En 1954, le roman de Vassili Grossman, Pour une juste cause, est enfin publié grâce à son amie de toujours, Anna Bertzer. Grossman écrit plus que jamais. Son roman « Vie et destin », qui n'est pas encore achevé, fait vivre des centaines de personnages. Chacun a un nom, une histoire, comme une protestation, une revendication de la singularité humaine face à l'anonymat érigé en dogme politique. En 1956, au 20e congrès du Parti communiste, le nouveau dirigeant de l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, dénonce le culte de la personnalité et la répression stalinienne. Un vent de liberté est-il enfin en train de se lever en Union soviétique ? Vassili Grossman veut y croire. Fin 1959, il achève « Vie et destin ». Son roman, foisonnant, fait revivre Stalingrad, la terreur stalinienne, l'extermination des Juifs que l'on n'avait plus le droit d'évoquer, les arrestations, l'arbitraire, mais aussi le désir jamais anéanti de liberté et d'humanité. Ce manuscrit, commencé voilà plus de 10 ans, fait plus de 1000 pages. Et Semyon Lipkin a le privilège d'en être le tout premier lecteur. Ton livre est magnifique. Je n'ai jamais rien lu de tel. Tous les personnages sont réussis, mais... Mais tu ne crois pas qu'ils soient publiables ? Franchement, non. Même aujourd'hui, en 1960, sous Khrouchtchev, non. On ne peut pas entendre cette vérité chez nous. Comment peux-tu être aussi lucide et naïf en même temps ? Tu crois que quand ils auront lu mon roman, viendra m'arrêter ? Ce n'est pas exclu. Même en acceptant qu'il soit amputé ? Vassia, ne donne pas ton manuscrit. Pas maintenant. As-tu noté les passages qu'il me faudrait couper ? Ou disons, modifier ? Oui. J'ai même préparé une liste. Il y a ce passage terrible, dans le camp nazi, entre le SS et son prisonnier soviétique. Oui, ça, je m'y attendais. Tu écris... Le grincement combiné du fil de fer barbelé de la taïga sibérienne et du camp d'Auschwitz. Et ces mots que tu mets dans la bouche du nazi, ce miroir dans lequel nazisme et communisme se regardent, crois-tu vraiment que l'on puisse aujourd'hui entendre ça ? Bien. Quoi d'autre ? Il y a cette phrase que j'ai trouvée géniale, où tu parles de la violence des systèmes totalitaires. Une violence si grande qu'elle devient objet d'adoration quasi mystique et religieuse. Tu sais, ça m'a fait penser au chagrin mondial, incompréhensible au moment de la mort de Staline. C'est drôle, Sioma. C'est à ce moment-là que je l'ai écrite, quand j'ai vu ces scènes d'hystérie collective à ses funérailles. Mais pourquoi as-tu écrit « Mourir dans un camp nazi, c'est un privilège psychologique sans prix ». Tu penses quand même pas que leur camp valait mieux que les nôtres ? Non. Je parle du privilège d'être tué par les autres, et pas par les siens, comme chez nous. Tu restes plus entier, c'est tout. Je veux dire... Ce n'est pas ton âme qui est détruite. À Stalingrad, je me souviens, un officier qui avait passé quelque temps à la Loubianka m'a raconté les cris, devenus fous, d'une communiste italienne, une ancienne des brigades internationales d'Espagne. Elle criait jour et nuit, du fond de sa cellule, deux mots en italien. « Sono comunista. Sono comunista. » Comme un plaidoyer. Un testament. C'est terrifiant. Combien ont dû crier cela dans leur tête ? Et il y a le passage sur celui que tu appelles Krimov. Lui aussi, tu as prévu de l'éliminer ? Mais oui, Vassili. Ce communiste fervent, zélé, qui finira par être arrêté par les siens. C'est l'âme de mon livre que tu veux que j'enlève. Vassili, je t'en prie. Et laisse-moi cette copie, on ne sait jamais. Très bien, Sioma. Garde-la. Ah, et je voulais te dire merci aussi. Pour le passage sur la bonté humaine. Il m'a laissé sans voix. La quête du bien, c'est vrai, nous a tous rendus malades. C'est ton testament, n'est-ce pas ? Là où se lève l'aube du bien, des enfants et des vieillards périssent. Le sang coule. Mais il existe à côté de ce grand bien si terrible, la bonté humaine dans la vie de tous les jours. C'est la bonté d'une vieille qui, sur le bord de la route, donne un morceau de pain à un bagnard qui passe. C'est la bonté d'un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé. C'est la bonté de ces gardiens de prison qui, risquant leur propre liberté, transmettent des lettres de détenus adressées aux femmes et aux mères. Cette bonté privée d'un individu à l'égard d'un autre individu est une bonté sans témoin, une petite bonté sans idéologie, sans pensée. Cette bonté folle est ce qu'il y a d'humain en l'homme. Le secret de son immortalité est dans son impuissance. Malgré les mises en garde de son ami, Vassili Grossman confie son manuscrit au responsable de Znamia, le mensuel de l'Union des écrivains, pour publication. Horrifiés, ceux-ci le remettent directement à la police politique. Après l'arrestation de son roman, le 15 janvier 1961 à son domicile, Vassili Grossman est effondré. Il tombe malade. Le temps du dédoublement de l'effacement est terminé pour lui. Désormais, Vassili Grossman ne peut plus rien être d'autre que lui-même, un écrivain russe et juif, et un humaniste sans concession. Mais l'arrestation de son manuscrit ne cesse de le hanter. En février 62, il se décide à écrire à Nikita Khrouchtchev. Février 1962. Cher Nikita Sergeyevitch, je réfléchis sans cesse à la catastrophe survenue dans ma vie d'écrivain, au destin tragique de mon livre. Pourquoi donc mon livre, qui ne contient ni mensonge ni calomnie, mais où l'on trouve vérité, douleur, amour pour les êtres humains, a-t-il été l'objet d'un interdit? Pourquoi est-il caché à moi et aux hommes comme un meurtrier criminel? Cela fait une année que je ne sais pas si mon livre est intact, s'il est conservé. Peut-être est-il détruit, brûlé. Si mon livre est mensonge, si mon livre est calomnie, qu'on le dise. Il faut que les lecteurs soviétiques pour qui j'écris depuis 30 ans jugent ce qui est vérité et ce qui est le mensonge dans mon livre. On ne lutte pas ainsi contre le mensonge, on lutte ainsi contre la vérité. Je continue à croire que j'ai dit la vérité, que je l'ai écrit en aimant les hommes, en ayant pitié des hommes, en ayant confiance en eux. Je vous demande de rendre la liberté à mon livre. Il n'y a pas de sens, pas de justice dans ma situation présente. Ma liberté physique n'a aucun sens si le livre auquel j'ai consacré ma vie se trouve, lui, emprisonné. Avec mon profond respect, Vassili Grossman. Khrouchtchev ne répond pas. Nous sommes en pleine guerre froide et Souslov, l'idéologue du parti, dit à Grossman « Pourquoi ajouterions-nous votre livre aux bombes atomiques ?» Pendant que son manuscrit reste enfermé dans les sous-sols de la Loubianka, le cancer de Vassili Grossman se généralise. Il a pourtant mis à l'abri deux copies de Vie et Destin, l'un chez Semyon Lipkin, l'autre chez une amie de jeunesse, Lyalia Kristova, qu'il a cachée à la campagne sous des sacs de pommes de terre, chacun ignorant l'existence de l'autre. En septembre 1964, Vassili Grossman est hospitalisé, il a 58 ans. Olga, son épouse, sa fille Ekaterina, Anna Berzer et bien sûr le fidèle Semyon Lipkin se relaient à son chevet. Je déteste l'hôpital. Dis-moi franchement, Sioma, est-ce que je n'aurai plus jamais l'occasion de m'allonger sur l'herbe verte? Mais si, Vassia, tu vas pas rester à l'hôpital. Et puis ce lit est trop petit, tes pieds dépassent. Tout est trop petit pour Vassili. Pensez, il est l'auteur d'un manuscrit qui fait trembler le Kremlin. Je ne sais même pas s'ils ne l'ont pas brûlé. Mais non, rappelle-toi les paroles de Bulgakov. Les manuscrits ne brûlent pas. Oh si. Je sais bien qu'on peut les brûler. Des millions de livres ont été brûlés par les nazis. Et ici aussi. C'est vrai. Nadiejda, la femme d'Ossip Mandelstam, apprenait par cœur ses poèmes, puis les détruisait de peur que le KGB ne les découvre. Mais apprendre par cœur les milliers de pages de Vassili... Si on envoyait mon manuscrit à l'étranger, qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, peut-être, pourquoi pas. L'infirmière tout à l'heure a été gentille. Elle a accepté de nous laisser entrer tous les deux ensemble, mais pas trop longtemps. Je vais y aller. Reste avec lui, Semyon, si tu veux. Je reviendrai plus tard. J'ai peur que ce soit la fin. Il a toujours cette lumière extraordinaire dans ses grands yeux bleus. Quelques jours plus tard... Je vous réveille, Vasya. Je peux repasser. Non. Je vous en prie. Restez près de moi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Oui. Prenez cette chemise. Il y a un texte à l'intérieur. Tout passe. Moi qui croyais au contraire que rien ne passait vraiment. Anna, prenez ce texte. C'est un peu... mon testament. J'en prendrai soin, Vassili. Comptez sur moi. Et arrêtez de regarder votre montre. Le temps ne va pas s'enfuir, Vassia. Le temps, non. C'est moi qui m'en vais. Vous vous souvenez de ce que vous avez écrit sur le temps ? Nous sommes les orphelins de notre temps. Rien n'est plus dur que le sort du mal-aimé qui n'est pas de son temps. Oui. Vous savez tout par cœur, Anna. Merci. Mais les temps changent. Un jour, vous serez peut-être contemporain de votre temps. Vassia, vous dormez ? Vassia. Anna. Anna. Cette nuit, ils m'ont emmené pour un interrogatoire. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Je n'ai trahi personne, au moins. ...1961, l'arrestation de vie et destin, le chef-d'œuvre de Vassili Grossman, de Brigitte Stora. Avec Vassili Grossman, Pierre Beau, Semyon Lipkin, Fabrice Pierre, Anna Berzer, Marie Matoron, l'officier Joris Casanova, Irina Gruber, Marie Verge, Natalia Dereskaya, Yumi Fujimori, le colonel Prokopenko, Raresh Yenozaï, Maroussia, Yvette Caldas, l'agent du KGB, Otello Vilgar. Bruitage Sophie Bissantz, prise de son montage et mixage Manuel Couturier et Antoine Viossa, assistante à la réalisation Manon Dubu, réalisation Pascal Deux. Juste après le disque, on parle à nouveau de Vassili Grossman et de Vie et Destin avec mon invité Luba Jorgensen. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Papa par Alani sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Guillaume Roux. Luba Jorgensen, nous avons quitté Vassili Grossman juste avant sa mort le 14 septembre 1964. Il est mort sans avoir vu la publication de son livre Vie et Destin. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'arrestation de son livre, donc 3 ans auparavant, qui l'a tué d'une certaine manière? Probablement. Enfin, c'est difficile de se prononcer là-dessus, mais il y a quand même des chances que, il a été extrêmement atteint par, oui, on l'a entendu, par cette. Ouais. Alors, on peut se demander comment il a pu s'attendre à ce que le livre soit publié, mais il faut dire que c'était la queue de comète du dégel. Oui, parce que Solzhenitsyn avait pu publier Une journée d'Ivan Denisovitch. Qui sortira un an plus tard, oui. Hein, même si le dégel est finalement déjà terminé. Hein. Et pour quelles raisons, justement, Vie et Destin était-il intolérable pour l'Union soviétique ? Globalement, ce livre met à bas le mythe de la Grande Guerre patriotique tel qu'il était déjà en train de se constituer à l'époque avec Khrushchev. La guerre contre Hitler. Oui, parce qu'en Union soviétique, ni même en Russie aujourd'hui, il n'y a jamais eu de Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est la Grande Guerre patriotique qui ne prend en compte que l'épisode de la... Bon, l'épisode extrêmement dur et sanglant de la lutte contre l'occupant nazi. Auquel les Russes, les soviétiques ont payé un lourd tribut humain. Absolument, absolument. Mais ce découpage permet aussi d'oublier le pacte germano-soviétique. Donc oui. Voilà. Et Grossman met vraiment fait exploser tout ce discours patriotique qu'il avait lui-même contribué à nourrir auparavant dans d'autres textes. Donc, et en particulier, ce qui est inaudible, c'est son propos comparatiste sur. Il met quand même dos à dos les deux grands régimes de terreur nazis et soviétiques. Alors, il essaie de mettre ce propos dans la bouche d'un nazi comme s'il le disqualifiait. Mais là, pour le coup, les censeurs ont été malins et ils ont bien compris que... Ils n'ont pas été dupes. Et en même temps, c'est beau parce que ce n'est pas un discours idéologique, ce livre. C'est un vrai roman avec des personnages, des gens simples, des gens de toute catégorie sociale. Et c'est par ces personnages que cette vérité apparaît dans la bouche des personnages. Oui, ce n'est pas un discours. Et c'est véritablement des dialogues entre les personnages. Il s'agit en l'occurrence du SS Lisk. Qui, en parlant avec le vieux révolutionnaire Mostovskoï, cherche à saper les fondements de sa foi dans le communisme en lui expliquant qu'il n'y a pas une grande différence entre le nazisme et le communisme. Voilà, sur le fond, c'est-à-dire sur le rapport à l'humain, sur les objectifs politiques. Donc c'est effectivement un propos très très fort. C'est la première fois qu'on parle comme ça, qu'un écrivain en Union soviétique met en miroir le totalitarisme nazi et le totalitarisme soviétique. Bon, c'est un propos qui pouvait circuler à partir de même des années 30, enfin de la Grande Terreur, bien sûr. Mais c'était et au moment du pacte germano-soviétique, j'imagine. Bien sûr. Mais c'était la première fois que cette vérité absolument impossible à entendre avait été écrite noir sur blanc dans un livre qui se prétendait soviétique, donc c'était absolument inimaginable. Ce livre, enfin, c'est une histoire très sombre, évidemment, c'est l'histoire de cette guerre, l'extermination des Juifs, etc. Mais en même temps, on a l'impression chez Grossman, dans Vie et Destin, il y a aussi un message extrêmement beau, extrêmement porteur sur l'amour de l'humanité aussi, sur l'amour de la bonté, cette confiance aussi dans l'humain. Oui, Grossman est un humaniste. C'est très beau ce qu'il dit sur la bonté, oui, qu'il oppose au mais bien. Mais c'est aussi un propos subversif. Bien sûr. En fait, parce que il rejette la morale soviétique qui est héritée de la soi-disant morale révolutionnaire où ce qui est moral, c'est ce qui est utile pour le parti. Peu importe les dommages collatéraux. Absolument. Donc, louer cette petite bonté humaine, c'est quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Cette bonté, elle vient de quoi? Elle vient du rapport à sa mère? Peut-être cette perception, cette conscience de l'importance de la bonté? Est-ce que ça vient de la relation extrêmement forte et de la réflexion qu'il avait pu avoir là-dessus aussi, sur sa relation avec sa mère? Je crois que c'est un propos qui vient de la littérature. C'est l'héritage de la littérature russe qui a toujours loué cette bonté irrationnelle. Et c'est une façon de reprendre justement l'héritage de cette littérature que d'autres d'ailleurs ont pu refuser. Enfin, Chalamov par exemple trouve un que autre la, écrivain un qui autre a écrit sur le Goulag, grand écrivain qui le récit de la Colima a pu refuser totalement ce message de la littérature russe du 19e parce que l'humain pour lui ne s'est révélé pire que qu'on ne pensait, alors que Grossman croit dans cet humain. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on va trouver dans d'autres littératures, et je pense d'ailleurs à un propos de d'Imre Kertész, auteur de d'Être sans destin, qui décrit aussi c'est une petite bonté humaine. Oui. Dans il décrit un instituteur qui, dans un wagon qui les conduit à Auschwitz, va rendre sa soupe à quelqu'un qui l'a laissé entre ses mains. C'est peut-être aussi dans les grandes face à de grandes violences collectives que ce petit geste humain va apparaître comme une bouée de sauvetage à valoriser. Comment le livre a-t-il été sauvé? C'est Semyon Lepkin qui a gardé en fait ce grand ami. Ouais, le texte a pu être transmis aux éditions de l'Âge d'Homme en Suisse. Les amis donc de Vassili Grossman ont joué un rôle important. Est-ce que ce livre Vie et destin aujourd'hui est lu en Russie, étudié? Sans doute un peu. Il a eu un peu plus de visibilité avec la pièce de Lev Dodin, notamment, qui a eu un certain succès. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle expansion du mythe de la Grande Guerre patriotique, qui est devenu véritablement le mythe fondateur de la Russie actuelle, les propos de Grossman redeviennent inaudibles. Merci beaucoup, Luba Jorgensen. Vous avez participé, je le rappelle, au volume des œuvres complètes de Vassili Grossman, qui sont donc à lire dans l'excellente collection bouquins chez Robert Laffont. C'est pas cher, allez-y, c'est très bien. Votre dernier livre à vous, Luba Jorgensen, Au lieu du péril, récit d'une vie entre deux langues, est paru aux éditions Verdier. À lire également La vie et le destin de Vassili Grossman de Salomon Malka, CNRS édition. Vassili Grossman, un écrivain de combat, de Myriam Anisimov, au Seuil. Et Le destin de Vassili Grossman de Semyon Lipkin, donc l'ami de Grossman aux éditions de L'Âge d'Homme, et à voir aussi un excellent documentaire, Le manuscrit sauvé du KGB de Priscilla Pizzato pour Arte. Autant n'importe l'histoire, c'est terminé pour ce soir. Cette émission était en nouvelle diffusion. Vous pouvez la réécouter, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, bien sûr. Dimanche prochain, nous parlerons de fantômes. À Paris, au lendemain de la guerre de 1870, une jeune veuve entre dans la boutique d'un photographe du boulevard Montmartre, Édouard Buguet, qui propose ni plus ni moins de faire revenir les morts grâce à la photographie. Quand la photographie se mettait au service du spiritisme, Édouard Buguet, le photographe des fantômes, c'est dimanche prochain dans Autant en emporte l'histoire.